Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le 22 août de l'an 2000, sur France Culture, Alexandre Adler racontait l'histoire du Comintern. À son origine, en 1919, dans les premiers temps exaltés et idéalistes de la révolution soviétique, le Comintern, autrement dit l'international communiste, avait pour vocation de propager dans le monde l'idéologie communiste et d'être partout le levier, ce qu'il fut, des résistances et des soulèvements révolutionnaires. Au-delà de cette mission internationaliste, il a été pour l'URSS un instrument précieux pour asseoir son influence politique et stratégique. Dans le deuxième épisode de la série de 10 qu'il consacrait aux histoires de l'espionnage soviétique, Alexandre Adler nous racontait comment, bien avant le KGB et avant même l'existence du NKVD, le Comintern aura aussi permis de jeter les bases de l'espionnage soviétique un peu partout dans le monde. Histoire d'espionnage soviétique, deuxième volet, le Comintern, les voyageurs de commerce de la Révolution. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Le Comintern, les voyageurs de commerce de la Révolution. La première activité d'espionnage de l'Union soviétique n'est pas vraiment de l'espionnage. Avant que le ministère de l'Intérieur, on l'appelle le Commissariat du Peuple aux Affaires Intérieures, ou NKVD, ne développe son propre service à l'étranger, connu à l'époque sous le nom de INU, INU, avant même que l'armée rouge ne se dote d'un service d'espionnage qui lui soit propre, on l'appelle la 4e direction de l'état-major, il y a un organisme infiniment plus connu, infiniment plus célèbre, infiniment plus sympathique que les deux précédents, qui a en réalité jeté les bases de ce que seront les services de renseignement soviétiques. Je veux parler tout simplement de l'international communiste, le Comintern. C'est d'elle dont nous allons un petit peu maintenant parler, de sa période héroïque et révolutionnaire, qui comprend d'ailleurs son lot de crimes, de bévues et d'imbécilités en tout genre, mais qui sera à tout jamais marquée par cette soif d'aventure, par cette volonté de régénérescence utopique qui anime ses principaux protagonistes. L'international communiste né modestement en 1919, dans Moscou assiégé, où quelques délégués, notamment celui venu d'Allemagne, sont arrivés avec toutes les peines du monde pour assister à un discours enflammé de Lénine, à une époque où l'on ne mise pas sur la pérennité de l'expérience soviétique. Et au départ, l'international communiste, le Comintern dans son abréviation russe, ce n'est qu'un rassemblement de partis politiques, de mouvements, voire de personnalités autour de la révolution russe. Mais très vite, car les bolcheviks ont l'esprit d'appareil, le goût de l'organisation, cet international communiste, ce Comintern, comme on l'appelle, dont les délégués vont siéger dans un hôtel de la capitale, qui s'appelle l'Hôtel Luxe, et qui gardera ensuite un prestige douteux avant de devenir le théâtre des principales arrestations des purges staliniennes, eh bien, cet hôtel luxe, ce Comintern, vont devenir véritablement un appareil chargé de propager la révolution dans le monde par des méthodes, une organisation tout à fait inouïe et que, évidemment, on n'avait jamais vu auparavant, car jamais la puissance d'un État, d'un grand État à la dimension d'un continent, n'avait été mise derrière les aspirations révolutionnaires de quelques songes creux. C'est donc un mélange d'aventure à la Maxénète, d'ambition démesurée, et aussi, de temps à autre, de coups d'éclat réussis, qui caractérise le Comintern des premières années. À la tête de l'appareil, une présidence qui est exercée par l'ancien secrétaire de Lénine, Grigori Zinoviev, elle le sera ensuite, après 1925, par Nikolai Boukharine, l'enfant chéri de la Révolution. Dans les années 30, c'est le bulgare Georges Dimitrov, qui, avec le titre beaucoup plus modeste de secrétaire, qui terminera cette présidence largement honorifique de l'Internationale communiste, car tous les ordres viennent du chef de l'Union soviétique, Lénine d'abord, Staline ensuite. Mais au sein même de cet appareil, il existe déjà des formes d'organisation de la clandestinité qui vont jouer un rôle considérable. D'abord, le célèbre et mystérieux OMS, O-M-S, comme l'Organisation mondiale de la santé, mais l'OMS ne travaille pas dans la santé, il travaille dans les liaisons internationales. C'est l'abréviation du russe Отдел международном связи. Le service des relations internationales est le plus grand fabricant de faux passeports, dans les années 30 aussi un peu à la fausse monnaie, d'identité clandestine, de légendes, pour implanter un peu partout dans le monde des militants révolutionnaires chargés de maintenir en permanence les liens des partis communistes naissants avec Moscou. Ce sont ces hommes passe-muraille, au complet gris, au manteau peu reconnaissable, avec leurs petites valises de carton bouilli, qui sont les voyageurs de commerce de la Révolution. Oh, ils n'apportent ni bombes ni revolvers, car le romantisme révolutionnaire des premières années laisse place ensuite à une organisation beaucoup plus froide, mais ils tissent un peu partout dans le monde un réseau assez dense d'organisations clandestines qui vont permettre aux partis communistes, souvent pourchassés, de s'appuyer sur elles. Par exemple, de la manière la plus modeste, quelques envoyés d'origine tchèque, d'origine hongroise, de l'Internationale communiste vont créer en Afrique du Sud, dans les années 30, mais c'est le même principe qui fonctionne dans les années 20, une série d'entreprises d'import-export dont le seul but sera de financer clandestinement l'ANC sans passer par l'argent venu de Moscou. L'OMS est donc très vite à la tête d'un petit empire commercial et industriel par lequel les partis communistes peuvent puiser des ressources dont ils ont cruellement besoin le plus souvent. Songeons par exemple à ces galeries de tableaux qui écoulent une partie des pillages réalisés par les bolcheviks sur les demeures princières, les musées, les monastères de Russie. Un des principaux animateurs de ces galeries de tableaux qui financent les partis communistes, c'est le futur grand pétrolier et industriel Armand Hammer, qui était déjà venu en Russie des États-Unis pour y créer des joint ventures, des sociétés mixtes américano-russes, et qui, à la fin des années 30, sera renvoyé à New York pour y écouler les bijoux, les tableaux des collections d'art soviétiques, lesquels servent à financer le Parti communiste américain ou les services secrets soviétiques, tout simplement. Bien entendu aussi, l'OMS qui fait passer les militants clandestins, s'arrange aussi pour évacuer ceux qui sont menacés par la répression. C'est un réseau d'entreprises amies qui récupère des militants chassés des usines pour activités communistes ou qui sortent de prison et ont besoin de trouver du travail. Bref, l'organisation communiste arrive même à salarier ses propres militants dans des conditions souvent acrobatiques de manière à leur permettre de continuer leurs activités politiques. À côté de l'OMS, plus sérieux encore, le M-Apparat, comme on l'appelle en Allemagne, l'appareil militaire clandestin. Il s'agit ici d'une organisation beaucoup plus secrète, bien que le maréchal Tukhachevski, le grand vainqueur de la guerre civile, l'ait appelé de ses voeux d'emblée. L'opération est très simple, il s'agit de donner une formation militaire accélérée, le plus souvent en Union soviétique, à des révolutionnaires venant du monde entier qui suivent les cours pour repartir ensuite. Cet appareil militaire est à l'origine de la formation, bien entendu, de la plupart des cadres révolutionnaires allemands qui étaient censés prendre la tête d'une révolution allemande, mais aussi des premiers révolutionnaires chinois, dont le maréchal Lin Piao, qui ont suivi ses cours. L'appareil militaire s'est illustré avec beaucoup d'à-propos en Turquie en 1920. Ce sont des conseillers militaires soviétiques et allemands de l'Internationale communiste, avec le futur commissaire à la guerre soviétique Frunze, qui seront présents dans l'état-major de Kemal Atatürk lors de la guerre avec la Grèce. Et l'aide soviétique sous toutes ses formes a été décisive dans la victoire de Kemal Atatürk sur les Grecs, sur la Sakarya, en 1921, laissant bien entendu un goût d'amertume considérable en Grèce et une reconnaissance pas toujours spontanée en Turquie, où on préfère par la suite effacer les traces de cet inceste initial entre la Turquie moderne et la révolution russe. En Allemagne, l'appareil militaire s'est également déployé à plusieurs reprises, notamment en 1923, encore une dernière fois, dans la perspective d'organiser une insurrection militaire générale, communiste et socialiste, qui aurait dû faire suite aux tentatives du général Ludendorff et d'Adolf Hitler de prendre le pouvoir avec un coup d'envoi à Nuremberg. Manifestement, les communistes bien renseignés savaient tout du coup d'État de Ludendorff et d'Hitler, avaient infiltré des espions à l'intérieur de ces groupes d'extrême droite, c'était très facile dans l'état de confusion de la République de Weimar, et ils espéraient que cette marche sur Rome, Mussolini l'avait réussi un an plus tôt, ce qui devait être une marche sur Berlin, serait à ce moment-là arrêtée par une contre-insurrection dirigée par le Parti communiste. Et puis, bien entendu, rien de tel ne s'est produit, car si l'appareil militaire du Comintern était ambitieux, il n'était pas capable de rivaliser avec le véritable appareil militaire, celui de la Reichswehr, de l'armée allemande, qui, dans cette affaire, eut le courage de tirer sur son ancien chef, Ludendorff, et accessoirement sur le jeune Adolf Hitler, d'envoyer le premier en résidence surveillée et le second en prison, pas très sévèrement, mais d'interdire ainsi à l'extrême droite de s'insinuer dans la vie politique allemande pour consolider la démocratie et consolider le Parti social-démocrate allemand dans son alliance avec les partis du centre et de la droite et dans son refus de revenir vers une alliance avec le Parti communiste. Or, cette dernière formulation, un front commun socialiste-communiste contre l'extrême droite allemande, était l'espoir de Lénine déjà mourant, de Trotsky et de tous les révolutionnaires russes et allemands en même temps. Et devant l'échec patent de cette opération de 1923, aggravé par le fait qu'un télégramme qui devait interdire la levée en masse des militants communistes n'avait pas atteint Hambourg, de sorte que les communistes de Hambourg vont mener 3 jours d'insurrection en tiraillant à la carabine contre la police social-démocrate, achevant ainsi de donner un caractère catastrophique à cette opération, eh bien ce jour-là, le dernier espoir de révolution allemande s'éteint, et avec lui les ambitions les plus élevées de l'appareil militaire qui, petit à petit, sera recasé dans le cadre de l'armée soviétique et deviendra, à Simferopol en Crimée, le gestionnaire d'une école de formation des révolutionnaires dont les dernières générations à avoir suivi l'enseignement sont les militants sud-africains de l'ANC, notamment Cyril Ramaphosa, Tokyo Sexwale, Thabo Mbeki. Ce sont les derniers pensionnaires d'un vieil espoir né des années 20. Mais en Europe, en tout cas, l'insurrection armée est devenue un souvenir. Son chef, un Finlandais, exilé de son pays, qui organisera encore en 1925 une tentative d'insurrection couronnée d'échec, d'ailleurs, en Estonie. Touré Lehen deviendra un bureaucrate comme les autres. L'époque révolutionnaire est à peu près finie. Ou plus exactement, les tréteaux se déplacent. Car au moment où Moscou commence à comprendre que l'Europe occidentale ne sera pas le théâtre de la révolution tant attendue qui devait mettre fin à son encerclement, la Chine, elle, s'embrase, et s'embrase d'une toute autre manière. Et là, évidemment, les conseillers militaires russes, les conseillers militaires soviétiques, l'appareil militaire du Comintern notamment, vont essayer de réussir ce qui avait déjà partiellement réussi en Turquie avec Mustafa Kemal. Ce sont donc à la fois des conseillers militaires soviétiques, le maréchal Blücher, un ancien sous-officier qui avait pris ce pseudonyme prussien et qui s'était couvert de gloire dans la lutte contre les Blancs en Extrême-Orient, et un personnage extraordinaire dont André Malraux a fait rentrer le profil dans la littérature française, Pavel Borodine, et qui est l'envoyé direct du Comintern en Chine. Que vont faire Borodine et Blücher? Eh bien, ils vont prendre en main un homme, Sun Yat-sen, médecin formé aux États-Unis, protestant, démocrate convaincu, qui a formé un parti révolutionnaire et républicain, le Kuomintang, qui a été le fer de lance de la lutte contre le régime impérial mandchou et qui a proclamé la République de Chine. Ils vont prendre en main le docteur Sun Yat-sen et essayer de transformer le Kuomintang en une organisation réellement efficace pour prendre le contrôle de toute la Chine et ainsi faire de cette grande Chine l'allié stratégique de l'Union soviétique pour l'avenir. Sun Yat-sen est un rêveur qui, comme beaucoup de révolutionnaires chinois de l'époque, a du mal à ajuster entre les perspectives à long terme dans lesquelles il excelle. Les cinq grands principes de la démocratie vont devenir un texte classique pour tous les Chinois. Ils sont encore étudiés aussi bien à Pékin qu'à Taipei. Et puis la vie politique quotidienne, où il est obligé de faire avec les seigneurs de la guerre qui se sont répartis comme autant d'animaux de proie les 18 provinces de la Chine traditionnelle, tandis que les Japonais maintiennent leur autorité sur la Mandchourie. Sun Yat-sen gouverne à Canton et dans sa banlieue. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà un point de départ, et c'est à Canton qu'est formée l'Académie militaire de Whampoa, dont le principal instructeur est le beau-frère de Sun Yat-sen, le général Chiang Kai-shek, mais les véritables professeurs, les véritables animateurs, sont les envoyés soviétiques. Et c'est ainsi qu'un petit parti communiste de 18 personnes, qui s'est créé à Shanghai au même moment, va devenir en fait l'épine dorsale de ce Kuomintang. C'est en effet 2 ans après sa fondation, en 1922, que le Parti communiste de Chine propose une alliance au Kuomintang et décide de le rejoindre en bloc. Désormais, les communistes occupent des positions importantes à l'intérieur du Parti nationaliste lui-même. Mao Tse-tung sera secrétaire à la propagande du Kuomintang tout en étant un des dirigeants du Parti communiste chinois. Et les Russes, ont une influence considérable sur l'armée et une influence considérable sur l'appareil d'État, où ils ont infiltré de nombreux hommes à eux et recruté parmi les jeunes mandarins beaucoup de dévouement. C'est ainsi d'ailleurs que Chiang Kai-shek sera engagé à envoyer son fils Chan Ching-kuo se former en Union soviétique. Il épousera là-bas une Russe, et lorsque Chiang Kai-shek aura retourné ses armes contre les communistes chinois, il voudra rester, volontairement ou non, personne ne le sait encore à ce jour, à Moscou, en condamnant l'œuvre de son père. Il ne se réconciliera avec ce dernier qu'en 1938, lors de la guerre sino-japonaise, pour le rejoindre. Il est devenu le président de Taïwan, et beaucoup disent que s'il a fait évoluer Taïwan vers la démocratie, c'est en raison de son expérience du stalinisme à Moscou et parce que sa femme était russe. Peu importe, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir à quel point, à ce moment-là, l'espionnage soviétique commence à mettre au point un système qui atteindra son apogée en Espagne, c'est-à-dire l'insertion dans une guerre civile authentique, la capacité de prendre parti pour un camp, de lui apporter immédiatement les moyens d'un grand État et de multiplier sa force en lui donnant des moyens d'organisation qui lui manquent. Certes, en 1927, l'expédition du Nord, menée par Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen étant déjà décédé, aboutit à une victoire totale du Kuomintang, l'élimination des seigneurs de la guerre, mais aussi aux craintes répétées des Occidentaux de voir ce nouveau régime nationaliste allié de l'Union soviétique. Chiang Kai-shek, qui a parfaitement compris le message, grâce à ses beaux-parents, les banquiers Sung de Shanghai, s'engage auprès des Anglais, des Américains, des Allemands à se débarrasser des communistes. Il le fera de la manière la plus expéditive. Les conseillers militaires soviétiques sont arrêtés en plein Pékin, l'ambassade est saccagée, ils sont expulsés en Union soviétique. Borodine, dont Malraux a retracé l'activité incessante, ne reverra plus son cher pays, car il se considère déjà comme chinois, sa femme est chinoise. Il deviendra à Moscou un bureaucrate, suivant de loin les affaires de Pékin. Il sera fait par Staline chef de l'agence Novosti, l'agence d'information plutôt chargée de la propagande, et comme il est juif, né Grusenberg en Bessarabie, il sera l'objet de la répression la plus sauvage dans les années 50. Il sera fusillé en 1952. Mais chose extraordinaire, son fils, dont paraît-il, selon tous les témoins, le type chinois est parfaitement reconnaissable, est resté jusqu'à la chute de l'Union soviétique, un des chefs du bureau du KGB pour les affaires chinoises. Comme quoi, le Comintern, ce sont souvent des affaires de famille. Bien entendu, le Comintern entre dans un déclin irréversible avec l'arrivée de Staline au pouvoir. Staline n'aime pas cette bande de révolutionnaires internationaux qui considèrent que leur travail est plus important que la construction de l'État soviétique et qui, de temps en temps, ont l'ambition même de dicter aux dirigeants soviétiques quelle doit être leur conduite à l'égard de tel ou tel État. Certes, Mustafa Kemal, après avoir bénéficié de l'aide soviétique et de celle des communistes turcs, a interdit le parti communiste turc et a retourné ses armes contre ses anciens alliés. Certes, Chiang Kai-shek a éliminé brutalement les communistes chinois et donné des gages aux Anglais et aux Américains après avoir utilisé et pressé comme un citron le Comintern et l'aide de l'armée soviétique. Certes, les régimes successifs auxquels l'Union soviétique s'adresse après un moment de séduction, lui tourne le dos. Et donc, Staline, qui est un pragmatique dans l'âme et qui n'a que mépris pour toute cette idéologie révolutionnaire, n'en tire pas les conséquences que les Cominterniens aimeraient le voir tirer. Il maintient de bonnes relations diplomatiques avec la Turquie. Une fois effacé ou un peu séché le sang des massacres chinois, il cherche à reprendre langue avec Chiang Kai-shek. Et surtout en Allemagne, le théâtre principal de la révolution pour les bolcheviks. Que fait Staline? Il cherche d'abord et avant tout à maintenir de bons rapports avec l'armée allemande, laquelle, pour des raisons géostratégiques, a choisi de s'entendre avec l'armée rouge et d'utiliser l'Union soviétique comme terrain de manœuvre pour contourner les dispositions du traité de Versailles qui lui interdisent de disposer de chars, d'avions, de gaz de combat et de matériel moderne. Tout cela, l'Union soviétique les met à la disposition de la Reichswehr et en échange, bien entendu, les militaires allemands forment leurs homologues soviétiques à la guerre moderne. Il y a là un paradoxe extraordinaire. Des hommes qui vont s'affronter 20 ans plus tard se retrouvent ensemble dans les mêmes salles de classe, sur les mêmes exercices d'état-major à discuter. Et bien entendu, une nouvelle fois, car décidément en ce siècle, ce sera le siècle des occasions manquées, le rêve d'une coopération, d'une Allemagne puissante, industrielle et militaire, et d'une Russie révolutionnaire et fervente, naît dans certains esprits. Et cette entente ne pourra pas être évidemment l'entente de deux révolutions, mais l'entente d'une révolution et demie. La révolution russe, oui, et une demi-révolution allemande. Que pourrait-elle être? Puisque les sociaux-démocrates ont décidément refusé de se prêter à la manœuvre et d'accepter le front unique, eh bien, les services secrets et le Comintern vont jouer de plus en plus sur le nationalisme allemand, épisode ô combien ambigu qui nous prépare à Hitler. L'homme de cette politique semblerait le moins disposé à la réussir, il s'agit de Karl Radek. Homme d'une intelligence exceptionnelle, Radek est un juif polonais qui a milité à la fois dans le parti social-démocrate polonais avec Rosa Luxembourg et dans la social-démocratie allemande. Il s'est fâché avec Rosa Luxembourg, qu'il aime guère pour son idéalisme moral, et il a pris fait et cause pour Lénine en Suisse. Il fait partie du groupe étroit de Lénine. Il est un de ceux qui a négocié, déjà avec Parvus, dont nous avons parlé, le retour de Lénine en Russie à travers le train blindé. Et Radek est envoyé par Lénine en mission dès 1919 pour s'entendre avec la nouvelle société allemande. Emprisonné, sa prison sans cesse visitée par des généraux, des duchesses, des journalistes, il est une sorte de ministre sans portefeuille du gouvernement allemand. Il fascine tout Berlin tout en étant le porteur de ce message révolutionnaire qui fait frissonner les bourgeois allemands de terreur. Radek jouit de ce rôle d'acteur. Il avait lui-même à un moment songé à brûler les planches. Il n'est pas toujours d'une honnêteté scrupuleuse, mais il est en tout cas d'une intelligence redoutable. Et que voit-il? Il voit que les corps francs, ces militaires au rancard qui se sont organisés pour lutter sur les confins polonais contre la Pologne, à Berlin même contre la menace rouge, ces corps francs sont des éléments extrêmement volatiles, avec des tendances révolutionnaires mal exprimées, et il va essayer de les retourner. Et pour cela, il met toute son énergie à promouvoir des groupes qui s'intitulent eux-mêmes nationaux-bolcheviques, et qui veulent être la synthèse du nationalisme allemand et de la révolution russe. Le jeune Goebbels lui-même et quelques sympathisants ou adhérents du parti nazi naissant sont attirés par ces doctrines nationales bolchevistes, lesquelles sont plutôt exprimées par des hommes de gauche sensibles au climat nationaliste de revanche qui règne en Allemagne. Il y a notamment là un personnage fort intéressant, un dirigeant des jeunesses socialistes, toujours membre du Parti social-démocrate, mais d'un nationalisme exalté, qui s'appelle Ernst Nikisch, et qui prône jour après jour l'alliance entre la Russie et l'Allemagne. Et puis, lorsque la France occupe la Ruhr pour obtenir le paiement des réparations, c'est avec Raymond Poincaré en 1923 que l'hyperinflation est à son comble, un certain nombre de jeunes nationalistes se livrent à des attentats contre l'occupant français. L'un d'entre eux, un militant du parti nazi, déjà d'Adolf Hitler, qui s'appelle Leo Schlageter, est fusillé par les autorités d'occupation française. Aussitôt, Radek décrète que Schlageter est un héros de la classe ouvrière et essaye d'entraîner le parti communiste allemand, qui n'y est guère enthousiaste, dans cette nouvelle ligne nationaliste. Un peu de temps passe et finalement, on arrive à une entente presque parfaite. Le KPD, le Parti communiste allemand, s'occupe des luttes syndicales, des luttes sociales. Il apparaît comme un parti de classe d'abord. Et ce sont les services secrets soviétiques et le Comintern qui se chargeront, eux, de pénétrer les milieux nationalistes allemands. Et c'est là aussi que le Comintern, nous ne sommes pas encore à l'époque des services secrets, fait la moisson la plus intéressante qu'il puisse trouver de jeunes officiers, des officiers de police aussi, comme probablement le futur chef de la Gestapo, Müller, à Munich, et un grand nombre d'universitaires, d'intellectuels, lesquels, dans le caractère désorienté de l'Allemagne de l'époque, hésite entre nationalisme et communisme, ou plutôt cherche l'impossible synthèse. Ils ne verront, les malheureux, rien de tout cela, mais un certain nombre d'entre eux seront les piliers de l'orchestre rouge pendant la guerre. Le Comintern disparaît peu à peu, il aura une dernière insurrection en Espagne, mais ce n'est déjà plus tout à fait le Comintern, et pourtant, il a bien travaillé sans le savoir, en creusant, telle la vieille taupe de l'histoire, pour la plus grande gloire de l'Union soviétique stalinienne. C'était « Histoire d'espionnage soviétique » par Alexandre Adler. Équipe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Serge Ristich, Julie Garraud, Brigitte Bouvier. Deuxième volet de la série des 10 histoires d'espionnage soviétique a été diffusé pour la première fois le 22 août 2000 sur France Culture. À suivre, vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.